Bonjour. Alors, on attaque la quatrième et dernière partie du deuxième chapitre qui s'intitule Interventions culturelles et collecte de folk songs dans les montagnes appalachiennes. À partir des années 1890, un nouveau terrain de collecte musicale, les montagnes du sud des Appalaches, vaste région incluant les hautes terres du Kentucky, le Tennessee, la Virginie-Occidentale, les deux Carolines et la Géorgie, et ces petits fermiers d'origine britannique prend de plus en plus d'importance. La géographie accidentée des chaînes de montagnes, les communications longues et malaisées et les paysages sauvages sont objets de fascination et nourrissent le déterminisme géographique des folkloristes, selon lequel cette région serait le lieu idéal pour la sauvegarde des vieilles ballades élisabéthaines et de leurs surjoncs américains. Le sud des Appalaches, perçu tant comme la première frontière héroïque américaine que comme la zone refuge enclavée où se maintiendrait la culture des pionniers anglo-saxons, devient le terrain privilégié de la quête d'une folk music authentiquement américaine. Les montagnards, ancêtres vivants des États-Unis modernes. À partir des années 1890, de nombreuses publications de ballades et de folk songs appalachiennes paraissent dans la revue de l'American Folklore Society. La première d'entre elles, datant de 1893, est signée par une certaine Lila W. Edmonds. L'auteur fait état de trois spécimens de chants découverts dans les montagnes de Caroline du Nord et offre une description des montagnards appalachiens rassemblant déjà les principaux clichés qui leur sont alors associés. Je cite un extrait de son article traduit en français. Les montagnards de Caroline du Nord et du Tennessee ne peuvent guère être appelés une race qui aime la musique. Néanmoins, leur passe-temps favori durant les longues soirées d'hiver et les journées orageuses est de chanter. C'est, sans aucun doute, un choix par défaut, car ces gens sont en règle générale trop ignorants pour lire. La plupart des jeux leur sont inconnus, et la conversation, au mieux plutôt difficile, semble être impossible quand les neiges d'hiver les ont coupés des voisins les plus proches, et par conséquent de toute occasion de commérage. Alors, le musicien de la famille gratte un air monotone sur son banjo fait main, sur lequel les autres, avec une voix nasale, chantent les vieilles ballades héritées de leurs ancêtres anglais ou des chansons célèbres localement. Edmonds donc dépeint les montagnards comme des individus ignorants et illettrés vivant en dehors de la modernité. Leur pratique musicale n'est selon elle pas le résultat d'un choix conscient, mais d'une contrainte liée à l'isolement de leur milieu. Si leurs compétences musicales laissent à désirer, leur musique est néanmoins présentée comme traditionnelle et authentique et mérite donc d'être sauvegardée. Le fait de signaler que le banjo est un instrument fait main et non manufacturé sert à souligner le caractère rustique de la musique des Appalaches. Les montagnards sont alors perçus par les folkloristes et les collecteurs comme les dépositaires inconscients des traditions de leurs propres ancêtres anglais, fondateurs de la nation américaine. S'ils sont considérés comme non civilisés, les ballades dont ils sont les passeurs sont nobles et d'une valeur esthétique et historique qui les dépasse. L'attitude condescendante de certains collecteurs à leur égard est nuancée par cette noble filiation. Cette représentation stéréotypée est analogue à celle que l'on retrouve dans les local color writings, récits romanesques publiés dans des magazines populaires à destination des citadins, qui mettent l'accent sur le caractère exotique et archaïque des montagnards, dont les mœurs reflèteraient la vie du temps des premières colonies. Le tourisme dans les montagnes du sud des Appalaches commence aussi alors à se développer. Dans les années 1910, à la suite des travaux scientifiques des folkloristes, des recueils de chants des Appalaches à destination du grand public paraissent et participent à la diffusion de cet imaginaire. Publié en format partition pour piano et orné d'illustrations bucoliques des montagnes, ces recueils sont clairement destinés à un lectorat non spécialiste et à des musiciens amateurs, pouvant aisément reproduire ces chants grâce à leurs arrangements simples pour piano. La représentation idéalisée des montagnards, mêlant l'idée d'une ruralité folk authentique à celle d'une homogénéité raciale purement anglo-saxonne, masque bien sûr une histoire économique, sociale et culturelle beaucoup plus complexe. Si certaines communautés vivent en effet en quasi-autarcie, d'autres sont très largement connectées entre elles par des routes ou bien par des pistes. Il faut de plus distinguer les hauteurs des montagnes, où seule une agriculture de subsistance est possible, des vallées qui sont bien plus riches et fertiles. Après la guerre de sécession, La région voit s'implanter de grandes firmes du Nord qui développent l'industrie du bois et du textile, ainsi que l'extraction du charbon. Le chemin de fer pénètre également dans la région, rompant l'autarcie de nombreuses communautés. Une résistance indigène se met progressivement en place, d'ailleurs, pour lutter contre la mainmise des industriels sur les ressources économiques de la région. Les conflits sociaux provoqués par les conditions de travail souvent déplorables dans les usines et les mines sont bien loin de l'image romanesque et bucolique dressée par les auteurs des local colors et par les folkloristes. La représentation des montagnards et de leur musique comme purs héritiers des premiers colons anglo-saxons doit également être nuancée. Si des populations d'origine anglaise et irlando-écossaise s'installent en effet dans les montagnes entre 1790 et 1840, suite à une série de traités passés avec les populations amérindiennes de la région, les colons allemands et néerlandais y sont également très nombreux. L'industrialisation conduit par la suite à une augmentation et à une diversification de la population des montagnes. Les Noirs américains représentent déjà 15% de la population du sud des Appalaches en 1820 et 19% en 1865. Après la guerre de Sécession, ils seront encore plus nombreux à venir s'installer, notamment en Virginie-Occidentale, pour travailler dans les mines de charbon et participer à la construction du chemin de fer. Les nombreux échanges musicaux entre les populations noires, européennes et amérindiennes de la région nous montrent bien la vision passéiste et anglo-centrée construite par les folkloristes antiquariennes. De plus, l'idée d'une musique figée dans le temps et exclusivement transmise oralement est discutable, et ce avant même la diffusion de la radio et du phonographe dans les montagnes. Les musiques de divertissement des grandes villes du Nord, en particulier celle des spectacles itinérants des minstrels venus de Broadway, exerce également une influence sur les musiques rurales des régions les plus reculées. Le banjo, par exemple, donc instrument qui est présenté dans l'article de Edmonds en 1893 comme traditionnel, authentique et fait main, a été importé dans les montagnes appalachiennes au cours du 19e siècle par le biais des spectacles minstrels et par les musiciens noirs venus du vieux sud des plantations. Il est d'ailleurs possible, dès le début des années 1900, de se procurer des banjos manufacturés grâce au catalogue de vente par correspondance, notamment le très célèbre Sears Roebuck & Co. Les qualités qui sont supposées fonder l'authenticité des folk songs des Appalaches, homogénéité ethnique, isolement, illettrisme et domination de la tradition orale, relèvent donc, au moins en partie, d'une projection idéologique. Au prochain épisode, on parlera du rôle des éducatrices et des missionnaires dans la préservation et même la construction des traditions musicales dans les Appalaches. Pour l'heure, je vous laisse avec une version du morceau John Henry, interprété par Leonard Bowles et Irving Cook. Donc Bowles est au violon et Cook au banjo. Ce sont deux musiciens afro-américains du comté de Henry en Virginie. Ce morceau a été collecté en 1976 par le folkloriste Kip Lornell. À la prochaine! Thank you. 10. Right.